Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, ne t'inquiète pas parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent de toi parce que tu te sens humilié. J'aimerais te dire que l'humiliation que tu vis est temporaire parce que l'humiliation va te conduire à la gloire. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, il a été humilié. Il est mort sur la croix, mais le troisième jour, il est ressuscité. Je déclare que tes affaires vont ressusciter dans le nom de Jésus. Je déclare que l'argent que tu as perdu, tu vas retrouver cela au nom de Jésus. Mais le Seigneur veut que tu puisses marcher dans la crainte de son nom. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes en prière. OSB, opération sous la brèche. Juges chapitre 1, 8 à 20. Lisons notre texte du jour. C'est Juges chapitre 1, verset 8 au verset 20. Les filles de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les filles de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kirja Arba. Et il bâtit Shepshai, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirja Sefer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirja Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ?» Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les filles du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les filles de Juda, dans les déserts de Juda au Midi d'Arad. Et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils les bâtirent. Ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsepat. Ils dévouèrent la ville par interdit et l'on l'appela Orma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois fils d'Anak. Amen. Nous allons partager les trois vérités ci-après, tirées de ce passage. Première vérité. Nous devons respecter nos paroles. Nous devons être des hommes de parole. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Si tu veux que les gens te fassent confiance, même dans le cas des affaires, tu dois apprendre à tenir parole. Lorsque tu promets à quelqu'un que tu vas lui payer son argent, telle date, écoute-moi bien. Si tu as un contretemps, ce que tu devrais faire, c'est quoi? C'est d'appeler la personne pour t'excuser. Mais toi, tu n'as même pas appelé et tu fais semblant comme si rien n'était. Non, soyons sérieux. Soyons des hommes de parole. Lorsque tu donnes une parole, tu fais un vœu, il faut respecter. C'est ce qu'on appelle des hommes de confiance. Ils sont de plus en plus rares aujourd'hui. Regardez ici un exemple. L'exemple de Caleb. Caleb était ce genre de personne digne de confiance devant Dieu et devant les hommes. Lorsqu'il dit une parole, c'est quelqu'un qui respecte ses paroles. Le verset 12 dit, Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirja Sefer et qui la prendra. » Ça, c'est la parole qu'il a donnée. Et le texte dit au verset 13, « Othniel, fille de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. » Et comme il a donné cette parole, il est dit, « Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. » Est-ce que fais-tu partie de ces gens-là qui tiennent parole? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui promettent même de donner à Dieu tel montant, de faire telle chose. Je parle à quelqu'un. Tu as promis à un homme de Dieu, tu as dit, si réellement on débloque mon salaire, on débloque ma situation, voici ce que j'ai donné. On a déjà débloqué ta situation, mais tu as oublié. Parfois, on le dit même devant Dieu ou en présence de Dieu, tu dis, si ma situation est débloquée, ou si mon salaire est débloqué, si je suis embauché, ou si je me marie, voici ce que je vais faire à Dieu. Beaucoup de gens ne tiennent pas parole. Deuxième vérité, osons demander ce dont nous avons besoin à notre Père. C'est vrai, ici, il s'agit d'un Père terrestre. Mais pour nous, nous devons voir au-delà de nos Pères terrestres. Nous avons un Père céleste qui pourvoit à tous nos besoins. Nous voyons l'exemple ici de la fille de Caleb. Il est dit au verset 14. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle lui répondit, « Fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Jésus pouvait dire, « Si méchants sont vos pères terrestres, ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants. » À combien plus forte raison votre Père céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent. Ils sont jaloux d'autres. Pourquoi es-tu jaloux de la voiture de ton frère, de ton ami ou même de ton voisin? Le problème, c'est que toi-même, tu n'oses même pas demander à Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont jaloux. Quand ils attendent que tel monsieur ou telle famille est parti en vacances en France, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, voilà, ça ils ont volé. Est-ce que tu as des preuves qu'il a volé l'argent? Non, osez demander à Dieu. Le problème, c'est souvent notre manque de foi. Nous avons des limitations. Il y a des gens même qui pensent que Dieu ne peut pas leur donner tel montant d'argent. Oh, s'ils ont besoin de 10 000 dollars ou 10 000 euros, 20 000 euros ou bien 100 millions, Dieu ne peut pas leur donner parce qu'ils n'osent pas. La Bible dit, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui même, cesse de te plaindre, ton Dieu c'est un Dieu riche, l'or et l'argent lui appartiennent. Il faut oser demander, comme la fille de Caleb, elle a demandé à son père, elle a dit, donne-moi aussi. Ça veut dire quoi? Peut-être que tu as déjà demandé à Dieu l'argent. Tu as déjà demandé à Dieu un terrain. Maintenant, il te manque l'argent pour construire. Il faut dire, donne-moi aussi l'argent pour construire. Peut-être que tu as demandé le terrain. Ou bien tu as demandé le mariage à Dieu. Mais il te manque maintenant peut-être le travail. Il faut dire, donne-moi aussi le travail. Peut-être qu'il te manque l'enfantement. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi aussi l'enfantement. La Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. N'aie donc pas peur de demander à Dieu quoi que ce soit. Troisième vérité, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Vous voyez les espoirs que Caleb a accomplis, c'est avec Dieu. C'est vrai, notre intelligence ne suffit pas. Je vais dire à quelqu'un, tes diplômes ne suffisent pas. Tes relations humaines ne suffisent pas. Tu dois t'appuyer sur Dieu si tu veux marquer la différence. Si tu veux accomplir de grands espoirs dans tes études. Si tu veux accomplir de grands espoirs au niveau de ton travail. Si tu veux accomplir de grands espoirs au niveau de ton ministère. Tu veux que Dieu t'amène dans une autre dimension du ministère qui va au-delà de ton village, au-delà de ton pays, eh bien, il faut te confier à Dieu. Regardez ici, Judas a accompli beaucoup d'espoirs dans cette conquête du territoire promis. Il est dit au verset 18, « Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. » Mais le verset 19 précise, « L'Éternel fut avec Judas, et Judas s'est rendu maître de la montagne. » Vous voyez, c'est ça le secret. L'Éternel fut avec Judas. Vous voyez, avec Judas, avec Dieu. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est pourquoi l'échec que tu viens de connaître là, c'est parce que tu t'es confié aux hommes. Là, tu disais, moi, je connais tel monsieur, je connais le directeur du cabinet, je connais des ministres. Mon ami, si Dieu n'est pas avec toi, même si tu connais les ministres, même si tu connais le président de la République, même si tu connais les plus grands diplomates, si Dieu n'est pas avec toi, il va fermer leur cœur. Et ce dont tu as besoin là, ils ne vont même pas t'accorder cela. Est-ce que tu comprends? C'est la leçon que tu dois tirer. Regarde, depuis longtemps, tu attends qu'on signe ton papier là pour que tu sois embauché à un grade supérieur.

so sala kanga ba bien et ba bien ba bien et ba bien ba bien ba bien ba bien sala kanga ba bien et ba bien ba bien ba bien ba bien ba bien ba bien lelelele lelelele paso la lola paso la lola paso la lola et paso la lola paso la lola et paso la lola paso la lola et paso la lola paso la lola paso la lola. Alléluia, élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis et le Dieu qui nous donne d'accomplir de grands espoirs. Bénissons son nom. Tu es le Dieu Tout-Puissant, ô Éternel notre Dieu. Tu es celui qui nous aide à accomplir de grands exploits. Oui, avec toi, nous accomplissons des exploits et nous écrasons nos ennemis. Oh, nous te bénissons, tendre Père. Nous t'élevons pour cela. Sois béni, toi le Dieu fidèle qui accomplit tes promesses avec fidélité. Ce que tu dis, tu le réalises. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Sois béni, ô notre Père, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, de nous rendre également fidèles. Fidèles à toi et fidèles aux autres. Sois béni, Jésus, toi qui nous nourris jour après jour. Toi qui prends soin de nous. Toi qui nous conduis. Toi qui pourvois à tous nos besoins. Nous t'élevons, ô notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Dieu souverainement élevé, le Dieu insondable. Nous bénissons ton nom, ô Éternel, notre Dieu. Toi, le Père d'amour, tu es notre Père et notre Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies à cause de ton nom. Reçois l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions en nous inspirant sur les Saintes Écritures. Et notre passage du jour, c'est Juges 1, 8 à 20. Nous venons de voir que nous devons respecter nos paroles. Nous devons respecter nos engagements. Chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, aide-moi à respecter mes paroles. Aide-moi à respecter mes engagements. Et si tu te rends compte que tu n'as pas pu respecter l'un de tes engagements, envers Dieu et envers les hommes, demande pardon au Seigneur et demande-lui de te donner cette occasion de te rattraper. Prions le Seigneur. Tendre Père, ce matin, nous te bénissons. Grand Dieu, nous proclamons tes louanges, nous comptons tes bienfaits. Toutes ces grandes choses que tu réalises dans notre vie, chaque jour, nous en sommes reconnaissants au Père éternel. Et nous prions ce matin, Père, nous te demandons de nous aider à honorer tous les engagements que nous avons pris dans le nom de Jésus-Christ. Et nous demandons, Père, s'il y a des engagements que nous avons pris dans le passé et que nous n'avons pas honorés, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, ô Père éternel, des engagements que nous avons pris et nous n'avons pas pu les honorer. Purifie-nous par ton sang précieux. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous prenons l'engagement, non seulement de marcher dans tes voies, de faire ta volonté, mais d'honorer ce que tu attends de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions contre tout obstacle à notre engagement à te servir. Nous prions contre tout obstacle à notre engagement de marcher dans toutes tes voies. Dans le nom de Jésus, nous demandons, Père, que dans la vie de tes filles et de tes fils, ces engagements soient également honorés. C'est pourquoi nous déclarons que l'œuvre de division, l'œuvre de frustration, l'œuvre d'opposition de Satan contre tes enfants, contre ton ministère, est arrêtée au nom de Jésus. Donne-nous la force, donne-nous le zèle, renouvelle notre motivation. Merci Père éternel, parce que tu nous as appelés à être tes enfants et nous allons honorer ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Osons demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Que chacun maintenant puisse prier pour dire, Seigneur, voici mon besoin. Ça peut être un besoin social. Ça peut être un besoin de mariage. Ça peut être un besoin d'enfantement. Ça peut être un besoin d'argent qui est bloqué. Il y a des factures que tu dois payer. Il y a un chèque que tu attends depuis longtemps. Le Seigneur est capable de débloquer. Je déclare que maintenant, le Seigneur débloque ta situation au nom de Jésus-Christ. Oui, il faut briser l'esprit d'incrédulité qui t'anime. Et pour dire, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Confions nos besoins. Confions nos besoins à Dieu. Au nom de Jésus. Te dis merci ce matin pour la vie que tu nous donnes, la grâce que tu nous fais, le mouvement que tu nous permets d'accomplir en nous déplaçant, en allant au travail, en ayant la santé. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Malgré nos infidélités, toi tu demeures fidèle. Ce matin, nous voulons te recommander tous nos bien-aimés qui ont des besoins les plus spécifiques ou les plus urgents. Nous voulons te demander, parce que tu es dans ta parole, notre Seigneur, tu promets et tu réalises. C'est en cela que tu nous dis dans les psaumes, oui, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira selon les évangiles. En nous basant sur ces promesses qui viennent de toi, nous voulons te recommander tes enfants ce matin qui ont des besoins sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, matrimonial, financier, matériel, physique, relationnel. Nous voulons te prier ce matin. Que ta main s'ouvre afin que chacun reçoive selon son désir, selon son souhait, selon, ô Dieu, le poids de ce besoin qu'il ressent dans sa vie. Seigneur, fais-le pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. tu vas prier pour dire, Seigneur, je vais accomplir des exploits comme Judas l'a accompli. Peut-être que dans ton ministère, ça, ton ministère ne marche pas. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Je déclare que le Seigneur va t'amener dans une autre dimension. Le problème, c'est que tu n'oses pas avec Dieu. Oui, c'est avec Dieu, ne te confie plus aux hommes de ce monde. Ton commerce est tombé par terre. Tu as l'argent que tu dois recevoir, mais c'est avec Dieu maintenant. Prie pour que Dieu t'aide maintenant à te confier en lui, pour que avec Dieu maintenant, tu puisses accomplir des exploits qui vont étonner tout le monde au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur et proclame que tu feras des exploits désormais avec Dieu. Proclame que tes échecs vont se transformer maintenant à gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu, gloire au Tout-Puissant, gloire à l'Éternel des armées, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Libérateur, notre Rédempteur, notre Seigneur et Sauveur, gloire au Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous et qui opère des grandes délivrances en nous. La Bible dit dans Ésaïe 2, verset 22, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ?» Seigneur, nous savons que beaucoup se confient à des hommes, beaucoup mettent leur confiance, oui, à des parents, à des connaissances, à des amis. Mais non, nous nous confions à l'Éternel des armées. Nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits ce matin. Merci parce que tu nous augmentes la foi et nous croyons maintenant que nos défis se changent maintenant en sujet de témoignage, que nos pleurs s'arrêtent et nous avons des sujets de joie. Nos habits de deuil sont enlevés et nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Nos soucis, nos problèmes se changent maintenant en sujet de témoignage et de gloire. Merci parce que les portes sont fermées. Nous nous confions en toi. Toutes ces portes s'éclatent, s'ébranlent et nous avançons dans notre succès, nous avançons dans notre enfantement, nous avançons dans notre ministère glorieux, nous avançons dans notre bénédiction, nous avançons dans notre connaissance spirituelle et matérielle. Merci parce que tu nous visites aujourd'hui. Merci Saint-Esprit parce que nous nous faisons entièrement confiance à toi et tu nous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre rendez-vous de ce dimanche 22 mai. Nous aurons notre rencontre d'enseignement et de prière, bonheur conjugal pour les célibataires. Thème, la persévérance qui conduit à la victoire. Ne ratez pas cette rencontre. Nous allons prier de manière persévérante et montrer comment la prière persévérante peut ouvrir les portes du mariage. L'entrée est libre. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. C'est au CPE à Cocody, Cité des Arts, Abidjan. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.